sans passeport des patrons, la torture et l'holocauste, s'ils veulent pas ma vie, c'est dans mon cas leur tête. Je suis un grand dictateur, comme Adolf Pinochet. Je m'inspire de leur massacre, faire toujours mieux que les autres. Y'en a eu d'autres avant moi, sont maintenant dans des bouquins. Si au peuple je laisse le choix, ils mangeront plus dans ma main. Je les traiterai plus comme des chiens. Je m'inspire de leur massacre, faire toujours mieux que les autres. Même si la peau sur sa mort, assassiné ou de ma belle mort, des jeunes reprendront le flambeau, grade zéro et cher de sang. Crois qu'un mec aussi, pardon. Je m'inspire de leur massacre, faire toujours mieux que les autres.